Allez, derrière moi, il s'agit de Caro 62. C'est un extrait de l'artiste qu'on va avoir tout de suite au téléphone. Gérard Skerry, c'est un auteur, compositeur, interprète et arrangeur depuis un petit paquet d'années. Un musicien en fer, bassiste, guitariste, pianiste et entre autres chanteur. Bonjour Jess, tu as commencé comment déjà dans la musique ? Alors bon, ça fait très très longtemps que je fais de la musique. J'ai la chance de pouvoir, faire voir de la musique quasiment à plein temps. J'ai commencé il y a très très longtemps, j'avais une quinzaine d'années. Dans les années 80. Et j'ai commencé comme beaucoup de musiciens finalement par une guitare que mon père m'avait achetée. Et je me suis collé à la guitare au départ, voilà, sans notion, sans cours. J'étais livré un peu à moi-même. Et puis bon, j'avais la chance d'être entouré de beaucoup d'amis qui déjà jouaient du piano, de la guitare, voilà. Et ma mère, donc, musicienne, quoi, pianiste. Donc c'est vrai que j'ai eu cette chance d'être entouré de personnes qui étaient vraiment déjà musiciens, qui m'ont bien influencé, qui m'ont aidé, qui m'ont mis sur la voie pour jouer. C'est votre maman. Après, je me suis dévié un peu plus tard, vers mes 18-19 ans, vers la basse. Bon, ça c'était vraiment mon instrument de prédilection. Et vers les claviers. Il y avait un piano à la maison, donc c'est vrai que je ne pouvais pas l'ignorer, on va dire. Et tout a commencé comme ça. Rien d'original finalement, comme beaucoup, beaucoup de musiciens, quoi. C'est votre maman justement qui vous a initié au rudiment du classique et du jazz. Vous aviez 18 ans. Voilà. Disons que même mes parents, de toute manière, je veux dire, ma mère donc avait été pianiste pendant de nombreuses années, en amateur, attention, hein, mais voilà, avait vraiment un bon acquis classique et un petit peu jazz. Donc elle m'a montré énormément de choses par rapport au piano. Mon père adorait la musique et avait une bonne voix, donc c'est vrai que j'avais des parents finalement qui étaient bien dans le ton musical, voilà, ils ne pouvaient que m'aider, m'encourager. Mais ma mère, oui, m'a montré beaucoup de, peut-être plus classique, je dirais, que de la pop, bien sûr, ou voilà, ou du blues ou du rock. C'était les rudiments vraiment purement classiques, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. J'arrivais à transposer sur la guitare, et ça m'a vite enrichi mon patrimoine musical, quoi, disons. Parmi la pop rock que vous écoutiez, vous, personnellement, par vos goûts personnels, c'était entre autres les Beatles qui vous inspiraient ? Oui, comme beaucoup de musiciens, finalement, au départ, c'est vrai qu'il y a toujours un peu ces deux grosses racines, les Beatles, les Stones, ça c'est vraiment, on va dire, les grosses références au départ, ouais. Et puis après, je me suis dévié sur beaucoup de styles, notamment bon, dans les années, je dirais, début 80, Police, incontournable Police, quoi. Que mais vous avez repris sur scène, d'ailleurs, Police, beaucoup. Oui, voilà, dans un trio, des reprises de Police, voire de Sting, mais enfin plus, disons, du trio, voilà, vraiment de l'époque. Hein. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été fan de ce groupe et puis de ce que fait même Sting en solo, quoi. Mais bon, c'est vrai que je suis ouvert à toute forme de musique. J'ai pas d'étiquette. Je me situe pas dans un style vraiment spécifique. Non, j'aime, je dirais, toutes les formes de musique dans la mesure où elles suscitent chez moi de l'enthousiasme ou voilà, où c'est quelque chose qui m'apporte de l'émotion, quoi. Alors 2015 pour vous a été un tournant. Racontez-nous ce qui s'est passé, qui a changé un peu votre vie. Alors en fait, je vivais moi dans le sud. J'étais plutôt un gars du sud depuis toujours. Et en 2015, ça commençait à s'amorcer. J'ai changé complètement de vie et je suis venu vers la Rochelle, donc. Hein. Donc c'est vrai que j'ai changé complètement d'univers musical et ça m'a remotivé, ça m'a redonné de l'énergie parce que là-bas je commençais un petit peu, je dirais, à m'étioler, quoi. Je pensais notamment, quand je disais quelque chose qui avait, outre le déplacement géographique, je pensais également à une personne qui aurait entendu votre maquette et un morceau d'ombre est sorti suite à ça, quoi. Voilà, c'est-à-dire que moi j'avais un morceau qui traînait depuis des années, ouais, comme ça, dans un coin, voilà, une chanteuse avait essayé de chanter le truc, bon, il y avait des petits résultats, mais c'était pas non plus terrible, et une personne m'a dit, mais ce morceau, il est vraiment bien, il est magnifique, il est génial, et c'est vrai que ça a réveillé chez moi le côté un peu compositeur. Je m'endormais un petit peu sur ce chapitre-là, j'avais mon home studio, je continuais la musique, mais j'y croyais pas. Plus trop, honnêtement. Et d'accord, cette personne, indirectement, qu'après je n'ai plus vue de toute manière, m'a boosté, m'a dit, mais cette chanson, elle est vraiment bien, elle est super, il y a une belle mélodie, il faut faire quelque chose. Et c'est vrai que ça a été un petit peu bizarrement le point de départ. Après, bon, c'est les coïncidences de la vie. J'ai connu une dame donc sur la Rochelle. Mm-hmm. Et donc, bon, après, c'est la destinée, hein, tout s'enchaîne, voilà, quoi. C'est les synchronicités pour les gens qui connaissent, quoi. Ce sont les beaux hasards de la vie qui font que l'on positive et qu'on avance d'un seul coup vers quelque chose auquel on ne croyait plus, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Et puis voilà, ça arrive toujours quand on s'y attend pas, bizarrement. C'est vrai, c'est vrai. Alors vous reprenez ensuite l'aventure avec votre trio The Hold Up. Voilà, C'est-à-dire que en fait, on avait ce groupe dans les années, on va dire 2006, quand j'étais donc dans le sud, hein, 2006, 2007, 2008, où il y avait des reprises de Police et déjà de certaines de mes titres, de mes compos. Mm-hmm. Puis après, bon, ça s'est arrêté pour plusieurs raisons, et on a repris en effet cette aventure en 2016, 2017, on va dire. Et toujours avec justement ce principe de reprise de morceaux de Police, et puis mélangé avec un cocktail, finalement, c'est un petit peu un cocktail, hein, des reprises, des covers et des compos, des titres qui sont un petit peu dans la veine, je dirais, de Police, un petit peu, parce qu'après il y a mon propre style quand même, quoi, j'espère. Oui, oui. Justement, votre actualité, c'est la sortie d'un double single. Là, vous êtes... Voilà, là, c'est, je dirais, en carrière, entre guillemets, solo, quoi, mm-hmm. jazz, vraiment voilà. seul, quoi, mm-hmm. avec un double single, avec donc deux morceaux. Des milliards de gouttes dans l'océan, et un autre morceau qui s'appelle Au-delà des mots. Et justement, moi, je te propose qu'on écoute Des milliards de gouttes dans l'océan. Dans l'océan, c'est un double. C'est un single où il y a deux morceaux qui double sont single. Sortis, double single. Et c'est l'actualité en ce moment donc, de notre chanteur avec nous. Alors, comment c'est venu ça, cette idée? C'était une idée de faire quelque chose de différent ou c'était une envie de moi j'ai toujours rêvé, j'avoue, de faire une chanson pop rock, voilà, sans forcément une batterie, un rythme, quelque chose de très très aérien, quoi. Et l'idée m'est venue il y a très très longtemps. J'avais composé cette chanson il y a plusieurs années de ça, et je l'avais laissée traîner elle dormait dans un tiroir. Bon, à l'époque, elle n'était pas vraiment finie pour moi. D'accord. Et bizarrement, des années après, j'ai eu l'idée de la ressortir et j'ai rajouté quelque chose. Je l'ai un petit peu étouffée et ça donnait cette chanson. Et l'idée, donc, des gouttes dans l'océan, c'est assez, je dirais, philosophique quelque part. C'est un peu une allusion à l'éternel recommencement de la vie. Pourquoi pas la réincarnation pour ceux qui y croient. Et donc, c'est quelque chose que toi, tu affectionnes, enfin, de la préservation au niveau de l'océan ou les choses comme ça, c'est quelque chose que tu as toujours voulu aussi certainement mettre dans une de tes chansons, c'est une inspiration. Voilà, disons que moi j'avoue que je suis un fan de la mer, de l'océan, j'ai toujours été proche de la mer, et c'est vrai que j'avais envie en effet d'avoir une chanson un petit peu comme ça, un petit peu à la fois simple, dépouillée, et puis qui parle de la vie simplement avec des belles métaphores. Et voilà, je me suis essayé avec cette chanson, donc dans cet exercice. Oui, c'est une chanson qui fait rêver, hein, Jess. Ah ben c'est gentil. Ouais. Ben c'était un petit peu le but de trouver. Moi j'ai toujours été admiratif de ces chansons qui sont, je dirais, simples parce qu'il n'y a pas une grande orchestration, voilà, il n'y a pas un million d'instruments, mais une belle mélodie qu'on peut retenir avec. Oui. Essayer de trouver des paroles sympas, quoi. C'est tout à fait le cas. Merci. Je pense qu'en fait, c'est parce que tu es surtout près de l'océan, tu veux nous jalouser avec des chansons comme ça. Alors non, parce que quand elle a été écrite, j'étais au bord de la Méditerranée. D'accord. Mais bon, moi, j'aime la mer en général. C'est vrai que j'ai toujours été passionné j'adore le surf. Je suis vraiment je ne pourrais pas vivre, je pense, loin de la mer, sincèrement. D'accord. Alors le groupe, revenons au groupe aussi, tu n'es pas tout seul, donc tu es chanteur, auteur, compositeur, guitare, piano. Et comment se compose le groupe? Comment elle est venue la relation avec tes musiciens? Le groupe au départ c'était un trio, donc un petit peu, donc justement à l'instar de Police, basse, chant, guitare, batterie. Mais disons que dans ces, par exemple si on prend le cas de ces morceaux, j'ai fait ça tout seul, c'est vraiment solo, complètement là. J'ai eu cette chance rapidement de jouer rapidement de, j'allais dire, de tout ce qui était donc guitare, basse, clavier. Donc comme pas mal de musiciens, quand on peut jouer plusieurs instruments comme ça, c'est plus facile de réaliser des fois des morceaux tout seul en solo, parce que des fois malheureusement on n'a pas les musiciens autour, quoi. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle je suis plus dans cette veine là de me débrouiller tout seul, quoi. D'accord. Parce que je n'ai pas vraiment réussi peut-être à créer un groupe vraiment solide, donc je préfère me débrouiller pour l'instant seul, mais je ne suis pas hostile bien sûr à rejouer avec plusieurs musiciens, faire de la scène, etc., quoi. Justement, en scène, ça ne te manque pas le fait de peut-être être tout seul, tac de main, hein, que tu peux jouer que d'un seul instrument à la fois. Exactement. Il y avait Rémi Brica qui faisait plusieurs oui, temps, l'homme orchestre. C'est ouais. Vieux, l'homme orchestre. Non, c'est vrai que on a toujours, je crois, tous les musiciens, on a un moment où la scène manque, bien sûr. C'est vrai que c'est bien agréable, surtout quand on pense à l'été, comme oui. Ça, faire des festivals, un festival, faire une scène à droite, à gauche, des belles scènes, c'est vrai que c'est toujours génial, ça, il n'y a pas à dire. Hein. Que ce soit de jouer ses propres titres ou même faire des beaux covers. Mais bon, c'est vrai que c'est assez difficile. Enfin, moi, dans mon cas, j'ai du mal vraiment à réunir une équipe solide. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de, voilà, j'allais dire, de scène prévue, c'est plus du travail de studio. Bon, en même temps, je ne vais pas faire l'hypocrite. Moi, ce qui m'a toujours passionné dans la musique, c'est plus le travail de création de composition que le côté scénique. Voilà. Moi, je me vois plus comme un créateur dans son studio qui essaye de créer une belle chanson, qui va enregistrer le titre. Je suis plus sur ce côté-là, je pense, quoi. Vous pourriez écrire pour d'autres artistes, par exemple, vous pourriez? Pourquoi pas? Moi, je suis pas. D'ailleurs, pour une chanson, ça m'est arrivé, puis ça n'a pas donné suite, que je veux dire. Mais oui, pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a des chansons. Pour être bien, vraiment être honnête, cette chanson des milliards de gouttes dans l'océan, au début, je la voyais chantée par une femme. Je dis non. Faut que ça soit la voix d'une femme qui colportera peut-être mieux par la douceur le texte. Et j'ai pas trouvé les chaussures à mon pied, du coup je l'ai fait moi-même, quoi. J'ai chanté moi-même. Mm-hmm. Mais c'est pour dire, bon voilà, je suis pas en effet hostile à écrire pour peut-être une autre personne, quoi. D'accord, pourquoi pas. Vos chansons actuellement sont diffusées au Canada, vous avez un bel écho de vos titres en ce moment. Parlez-nous de cette aventure-là canadienne. Oui, à Montréal Radio Cité, oui, qui diffuse pas mal de titres, disons qui sont différents. Et c'est vrai j'ai quand même de bons échos, ça fait plaisir. Mais j'ai peut-être que j'ai cette petite chance de faire d'avoir des styles un peu éclectiques Et du coup, c'est un petit peu un loto, on se dit sur la masse, il y a bien un morceau qui va plaire. Et c'est apparemment ce qui se passe, quoi. Ils peuvent s'exporter. Il y a la Belgique, voilà. Il y a la Belgique aussi. Et donc c'est vrai que les morceaux commencent un petit peu à voyager. Merci d'ailleurs Internet pour ça, parce que c'est vrai que c'était peut-être moins facile il y a 15 ou 20 ans, quoi. Mais voilà, ça, les morceaux commencent un petit peu à bouger. Puis il y en a donc un chante en français, d'autres en anglais. Alors ce que je me reproche un petit peu à moi-même des fois, je me dis mais mes chansons sautent un petit peu du coq à l'âne des fois. Mais en même temps, j'ai toujours aimé un petit peu ce côté éclectique, voilà, passer d'un style à l'autre, différent. C'est ce que j'aimais dans les Beatles. Moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais les Beatles, d'entendre un morceau complètement classique et puis juste après entendre un morceau qui était très rock. J'aime bien ce côté-là, j'avoue. J'ai un groupe, moi, que chaque fois je me fais un plaisir d'en parler parce que je sais qu'en France c'est méconnu, qui s'appelle Steely Dan, un groupe américain. Et justement, qui ont réussi à faire des belles chansons, des fois, des chansons qu'on peut chanter, comme on dit vulgairement, sous la douche, mais avec de très beaux accords, des accords spéciaux, des trucs qu'on n'entend pas tous les jours, honnêtement. Et c'est vrai que moi, je suis partagé un petit peu toujours entre ça, entre des lignes purement classiques, très, très simples, des anatoles, j'allais dire, courantes, quoi. Et en même temps, des fois, des chansons un petit peu sophistiquées, avec des accords qui vont surprendre l'auditeur. Alors, expliquez ce qu'est une anatole, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Oui. Une anatole, c'est une suite d'accords qui va être, comment dire, bien répertoriée. Pour donner un exemple, pour les gens qui sont vraiment peu branchés, on va prendre No Woman, No Cry, Let It Be. Voilà, en fait, les accords, d'ailleurs, quand on entend la suite d'accords, pour un musicien, on se rend compte qu'il y a le même enchaînement d'accords, mais la mélodie, par contre, est différente pour chaque chanson, bien sûr. Revenons à toi, c'est surtout l'actualité, donc c'est ce double single qui sort. Et puis, oui. Tes albums, où est-ce qu'on peut les retrouver, les albums avant ou même les covers? Est-ce qu'il y a des albums, il y a une adresse, pour qu'on en sache un petit peu plus? Oui, donc pour ce qui est donc des CD, donc, ils sont en vente. Mon manager, Catherine Lacoste, pour l'instant, s'occupe de les vendre comme ça, qu'on n'a pas vraiment de... Ils ne sont pas dans les bacs, je dirais. Faut pas le dire, c'est au cul de la camionnette sous le manteau. Rendre la vente par en ligne, quoi. D'accord. Et donc, ça peut se retrouver donc sur Internet. Donne-nous une petite adresse justement pour qu'on puisse vous retrouver. Oui, alors voilà. Donc il y a Jess Artist. D'accord. Sur Facebook, la page donc Jess Artist. Et on a aussi Jess and the Cops. Donc AND the Cops. C'est deux pages où on retrouve donc tous les éléments, coordonnées, même numéro de téléphone pour joindre. Voilà, comme. Comment acquérir le CD, etc. Quoi. Bonjour à tous. Bonjour Catherine. Bonjour. Je tenais quand même à vous remercier pour tout ce que vous faites pour les artistes émergents. Hein. Je tenais aussi à remercier l'équipe de Fil Rouge quand même, hein, oui, M. Pierre et M. Benhamou. Voilà. Et vous pouvez trouver sur les pages Facebook de Jess comment acquérir le double single. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que plus on vendra ce double single, ben, ça nous permettra la fabrication d'un album en français et d'un album en anglais qui est prévu pour octobre, fin d'année. D'accord. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur les pages, je vous répondrai bien volontiers, il n'y a pas de problème. Eh ben, un grand merci. Alors, on écoute tout de suite Jess, justement, on se retrouve juste après. Marilyn. C'est aussi vivant ça comme musique, hein. Tu nous as fait voler par différents styles musicaux. Là il y a une influence justement Police, je l'avoue. Ouais. Ah là on le voit, c'est vraiment la balade Police, la guitare, on sent toutes ces influences. Voilà, exactement. Et en français c'est bien. Et enfin, voilà, c'est ça, ce que m'avait dit un copain une fois, il me dit, c'est marrant, il me dit, c'est un petit peu du Police à la française, hein, j'avais trouvé ça sympa, quoi. Ouais, oui, alors moi, je défends la chanson française, alors forcément, là, ça me va, j'aime bien, ça nous cause. J'ai été influencé, comme beaucoup de musiciens de mon âge aussi, par téléphone, et oui. C'est vrai qu'à l'époque, moi, je me souviens que dans les années début 80, on avait, les Français, c'était téléphone, les Anglais, c'était Police, quoi. Voilà, exactement. Eh bien, on te remercie beaucoup du petit temps qu'on a passé ensemble. Oui, c'était super. En tout cas, c'est normal. Émission passionnante, vraiment. Et puis bon, c'est bien parce que on est plusieurs à discuter ensemble et c'est très très humain en fait. Voilà. Ouais, nous c'est ce qu'on veut. Nous, on est vraiment là. Plusieurs interventions, ouais. C'est plus coloré que des fois. Bon, quand on a affaire qu'à une seule personne, c'est peut-être un petit peu plus terne. Ça, je dirais que des fois, ça tourne peut-être un petit. Il y a des blancs, ou alors que là. En étant 3-4, c'est plus passionnant quelque part. C'est gentil. C'est super gentil. Un grand merci, Jess, sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir.